La perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'était en avril 2015. Le magazine Time propose une couverture choc, une de ces couvertures qui font sa renommée. Elle est constituée d'une photographie, d'un titre, d'un sous-titre et d'une rature. La photographie en noir et blanc représente un jeune noir qui court au milieu de la rue pour fuir une horde de policiers armés de bâtons. Ce jeune homme est noir au moment d'émeute à Baltimore. Le titre, lui, est simple, America 1968. Mais il est raturé d'un trait rouge, la date 1968 est barrée, remplacée par celle de 2015. Et le sous-titre précise ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. La composition de cette couverture du Time est très intelligente car les émeutes surgissent, grondent, se déchaînent, elles apparaissent soudain et elles disparaissent plus ou moins rapidement et la vie reprend son cours. Mais ces épisodes violents sont souvent liés les uns aux autres, comme des explosions de colère, d'une longue colère larvée. America 1968, 2015, mais pourquoi pas 1906, 1919 et tant d'autres dates, et bien sûr 2020. Américain, America, ce qui a changé, ce qui n'a décidément pas changé. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, les interminables combats pour l'égalité aux États-Unis, Starting Block et Black Lives Matter, les corps et le sport dans les luttes des Noirs américains, les pans oubliés de l'héritage de Martin Luther King, et puis la suprématie des Blancs. Oui, ce suprémacisme qui fait des ravages et qui s'insinue dans la politique états-unienne. Des émissions à réécouter sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, c'est le podcast, et puis des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, nous partons à Los Angeles. Light My Fire, Los Angeles, les émeutes de 1992. Avec vous, Caroline Roland-Diamond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire des États-Unis à l'Université Paris-Nanterre et vous avez publié Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice, 19e, 21e siècle. C'était aux éditions de La Découverte, c'était en 2016. Dites-nous, Caroline Roland-Diamond, il y a quelque chose de continu et j'évoquais cette une du Time de 2015 où la date 1968 avait été rayée pour mettre celle de 2015, pour dire ce qui n'a pas changé, mais... En fait, on pourrait mettre 2020. Il y a quelque chose de comparable entre toutes ces émeutes en fait qui ont toujours l'impression d'être la sensation d'être un moment très particulier, mais qui en fait s'explique dans le temps long. Effectivement. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de votre question, je voudrais juste faire une petite précision terminologique et revenir sur le fait que le terme émeute est problématique. Alors, je sais bien qu'il est employé très très couramment, hein, très communément pour décrire ces épisodes de violences urbaines, mais on sait bien qu'il a immédiatement une connotation très négative qui ne souligne que précisément l'explosion de violence, et l'emploi de ce terme prive de toute explication rationnelle les événements. Donc, je pense qu'il est important quand on parle de faire attention aux mots que l'on emploie et peut-être privilégier des termes comme des violences urbaines, des explosions de colère, etc. Donc effectivement, pour revenir après sur le fond de votre question, on voit ce qui choque terriblement, c'est la répétition. La répétition d'événements qui ont une similarité, qui à chaque fois, au fil de l'histoire, semblent opposer d'un côté la police, et de l'autre côté la communauté noire, et qui, une communauté noire qui lutte pour se faire entendre, pour obtenir justice, et qui ne parvient pas à l'obtenir par les canaux traditionnels et qui se tourne vers une explosion de violence. Donc là, c'est cette répétition de l'histoire qu'on voit effectivement sur un temps extrêmement long qui choque et qui provoque cette à la fois ce désespoir et cette rage qu'on voit encore aujourd'hui, effectivement. C'est un jeu de temporalité qui nous passionne, en fait. Hein. Le moment très court, celui de l'émeute, avec un début... un milieu, un moment de développement de l'émeute et une fin. Donc ces explosions de colère sont aussi intéressantes sur un autre temps, celui très long. Mais avec vous, Caroline Roland-Diamond, je voudrais que nous nous arrêtions sur un moment particulier, ce que l'on a appelé les émeutes de Los Angeles. Nous étions en 1992. Ce sont des émeutes, là encore, qui commencent avec un moment très précis. Il y a un début. La narration est facile de l'émeute. En tout cas, la narration que l'on propose pour une compréhension aisée. Il y a là un début. C'est un homme qui se fait taper par des policiers. C'est bien ça. Tout à fait. C'est le passage à tabac de Rodney King qui a été après une course poursuite par la police, qui est finalement rattrapé par la police et qui se fait passer à tabac. Et l'incident, entre guillemets, est filmé. Et filmé, donc c'est la première fois qu'on a ces images qui ne sont pas transmises en direct, contrairement presque à aujourd'hui, mais qui sont transmises ensuite et qui sont diffusées et qui choquent profondément dans la nation. Donc l'épisode d'un passage à tabac d'un homme africain-américain par la police, en soi, est tristement presque banal. Ce qui l'est moins et ce qui provoque, et d'ailleurs il n'y a pas d'explosion de violence au moment de son passage à tabac. Ce qui provoque l'évolution de violence, c'est l'acquittement des policiers. Donc il y a quand même eu procès à cause des images, mais le verdict qui est rendu et qui est l'acquittement provoque cette fois une explosion de colère. Donc on a une explosion de colère qui est en différé par rapport aux événements. C'est très important de le souligner. En effet, Rodney King se fait taper, les images sont diffusées. Ce n'est pas ça qui provoque la colère, c'est l'acquittement des policiers. Et commence alors une vraie colère qui s'exprime à Los Angeles. Et évidemment, les journaux en parlent. C'est le cas du journal télévisé de 20h de la deuxième chaîne de la télévision française. Nous étions le 20 avril 1992. À plusieurs reprises, le contrôle de la situation a échappé aux policiers qui ont parfois reçu l'ordre de ne pas intervenir. Certains de leurs hélicoptères ont essuyé des tirs. Les pompiers eux-mêmes ont dû laisser brûler plusieurs incendies parce qu'ils étaient attaqués. Pillage de magasins, agressions, tirs aveugles. Les violences de cette nuit ont fait jusqu'à présent 9 morts, 170 blessés, plus de 20 personnes arrêtées. Le maire a décrété l'état d'urgence. Je comprends que nous exprimions notre indignation et notre colère, mais nous devons le faire de manière honorable pour nous-mêmes et pour nos concitoyens. Ce soir, le maire estimait que la situation était sous contrôle, mais un couvre-feu a été décrété pour cette nuit. Dans l'ensemble de la ville, les ventes de munitions sont interdites. Toutes les forces de police ont été réquisitionnées et le gouverneur a mobilisé d'autres renforts. Un extrait du journal télévisé du 30 avril 1992 sur ces émeutes, ainsi qu'on les présente à Los Angeles. Caroline Roland-Diamond, nous entendons le maire de Los Angeles qui parle d'indignation légitime. Il dit nous sommes en colère parce que oui, des policiers qui ont fait une faute ont été acquittés. Donc il comprend, mais alors il dit il faut bien se tenir. Ce moment de l'émeute est intéressant parce que nous voyons qu'il y a à la fois une compréhension, mais une condamnation en fait de l'action. C'est quelque chose qui est systématique en fait avec ces émeutes. On peut comprendre la colère éventuellement, mais on ne supporte pas l'action de cette colère, la manifestation de cette colère. Alors il faut tout à fait, en plus rappeler, c'est ce que vous dites est tout à fait juste, mais et c'est évidemment la position logique du maire de la ville de Los Angeles, Tom Bradley, dont il faut rappeler qu'il était le premier maire africain-américain. Et Tom Bradley a été élu en 1973, et lui-même, donc, toute dans sa personne, est symbolique d'une ascension sociale des Noirs américains. Tom Bradley était petit-fils d'esclaves, et il est arrivé à la tête de cette ville, qui n'est pas une ville à majorité noire. Donc il a été élu, et son élection en 1973 a symbolisé un espoir de changement. Or, et il le dit bien quand il dit qu'on comprend l'indignation et la colère, la ville de Los Angeles, durant ses 20 années au pouvoir, il est resté 20 ans à la tête de la ville, a vu une dégradation de la situation, un renforcement des inégalités qui ont été, je pense qu'on y reviendra peut-être plus en détail dans un instant, qui ont été accentuées pendant la décennie des doubles mandats de Ronald Reagan au pouvoir, suivi de George Bush père. Et donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, il y a la colère vis-à-vis du passage à tabac de Rodney King et de l'acquittement d'une grande injustice des policiers, mais en même temps, et derrière cela, il y a une colère et une indignation vis-à-vis de la persistance de fortes inégalités dans la ville de Los Angeles, dont souffrent particulièrement les populations les plus défavorisées, dont un grand nombre d'Africains américains. Et dans cette colère, dans ce moment d'indignation, il y a ce jeu en fait extrêmement complexe où l'émeute, le moment de violence dans la ville, dissimule en fait tous les problèmes. Les politiques vont s'emparer du discours, bien sûr, parce qu'il faut commenter ce moment-là, mais la colère va être condamnée, les inégalités elles-mêmes, celles qui sont à l'origine de cette colère, sont complètement effacées. On en parlera après. L'urgence au moment de l'émeute, de l'explosion de colère, c'est de calmer la colère. Et c'est cela aussi qui est symptomatique sur ces moments où l'on exprime cette colère sourde, en fait, qui traverse les décennies, qui traverse les siècles et qui surgit à un moment particulier. Oui, tout à fait. Et donc, il y a toute la question du traitement médiatique des événements. Et forcément, les médias, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, portent une grande attention à la violence. On a entendu dans le reportage, le nombre de morts n'était pas encore ce qu'il va être à la fin des événements, quand le calme va revenir, parce qu'on aura une soixantaine de morts. Donc, au moment du reportage, on n'en était pas encore là. Mais donc, ils font attention particulièrement, effectivement, au coût humain, aux dégradations matérielles. Et on passe sous silence les causes profondes qui expliquent cette colère. Et donc effectivement, c'est à chaque fois, c'est cyclique, c'est répétitif. On a toujours ce même problème, d'où des interventions de représentants de différentes communautés, des élus publics qui disent que l'explosion de colère finalement est contre-productive, puisque elle ne permet pas de tourner l'attention vers les problèmes de fond qui méritent d'être corrigés pour éviter des explosions urbaines futures. Dans le combat pour la lutte contre les inégalités, c'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture, dans ce combat-là, c'est vrai qu'il y a le double discours, et c'est un discours que l'on connaît, qui s'applique à énormément de sujets de la société, l'action violente, ou alors la volonté d'agir par les textes, par la prise de parole, par la réforme. On va dire que ce moment d'explosion de colère échappe en fait à tout programme, à toute réflexion dans la longue lutte contre les inégalités. Ce moment de colère, en fait, n'est pas prévisible. Là, c'est en l'occurrence un automobiliste, René King, qui se fait taper, qui déclenche la colère. Mais cela échappe, en fait, à tout programme de lutte. Eh bien, c'est ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a un événement, qui va déclencher l'explosion, dont la temporalité n'est pas prévisible. Effectivement, on ne sait pas exactement pourquoi, à ce moment précis, l'explosion a lieu. Par contre, il est important de souligner que, et c'est ce à quoi je me suis attachée dans mon livre, il est trompeur, à mon sens, de opposer des formes de mobilisation violente, dites violente entre guillemets, à des formes de mobilisation qui seraient non violentes, réformistes, pacifistes, qui passeraient par des voies traditionnelles. Effectivement, au premier abord, on voit bien qu'il y a une différence tout à fait nette, mais quand on étudie le temps long de l'histoire, on voit bien qu'à tous les moments, je me suis intéressée à la lutte des Africains-Américains pour la justice et l'égalité, on voit qu'à tous les moments de l'histoire, il y a eu une imbrication des modes de mobilisation. Et que, pour en revenir aux images classiques du mouvement des droits civiques non violents porté par Martin Luther King, donc symbole de cette mobilisation non violente, de désobéissance civile, pour susciter une émotion de l'opinion publique, pendant tous les moments de la mobilisation de Martin Luther King, même si ce qui était mis en avant était précisément ce refus de la violence, il faut bien voir que dans ses actions, Martin Luther King était accompagné de militants qui armés, et lui-même possédait une arme en permanence sous son oreiller, une arme prête à tirer en cas d'autodéfense. Donc il y a effectivement il faut, je pense, sortir de cette opposition entre action violente qui a perdu toute rationalité et qui empêche de voir les causes profondes des inégalités et une action qui serait la voie à suivre absolument, qui elle permettrait d'abord d'attaquer les problèmes. Or, on a bien vu, et c'est là toute la tragédie de l'histoire de cette lutte, de cette très longue lutte des Noirs pour l'égalité et la justice, et que on a bien vu que ces modes réformistes, pacifistes de mobilisation n'ont pas porté de fruits suffisants, tout au moins suffisants pour éviter pour calmer une colère dont on dit encore aujourd'hui qu'elle est tout à fait justifiée devant des actes d'une grande injustice. Donc ne pas opposer les différentes formes de lutte pour obtenir l'égalité, Caroline Orland-Diamond, hein, c'est ce que vous expliquez dans votre livre Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice, 19e, 21e siècle. Il y a un chapitre d'ailleurs qui s'appelle « Sur tous les fronts ». Donc ça montre bien que tous les fronts sont possibles. Et si l'on regarde le cas des émeutes de 1992 à Los Angeles, il y a ces différentes voies qui se mêlent. Il y a celle de l'explosion de colère avec des destructions, bien sûr, il y a de la violence. Et puis il y a la volonté du dialogue, c'est ce qui apparaît nettement quand le principal intéressé, Rodney King, prononce un discours, donc nous sommes après 3 jours d'émeute, en avril 1992, où il veut calmer la situation. Alors, il prononce son discours avec une voix assez hésitante. Vous allez nous dire, Caroline Roland-Diamond, s'il n'a pas été un peu poussé pour prononcer son discours. On écoute. Parlez lentement. À tous, je veux juste dire, est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre? Est-ce qu'on ne pourrait pas tous s'entendre? Est-ce qu'on peut arrêter de faire subir ça aux personnes âgées et aux enfants? C'est pas bien. C'est pas bien. Et ça changera rien. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. J'ai pu comprendre la réaction de colère pendant les 2 premières heures après le verdict. Mais que ça continue comme ça, qu'un vigile se fasse descendre alors qu'il est à terre, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que ces gens ne rentreront pas auprès de leur famille ce soir. S'il vous plaît, on peut tous vivre ensemble. On peut s'entendre. On est tous dans le même bateau. Il faut essayer de trouver une solution. Il faut essayer de trouver une solution, on peut tous vivre ensemble. C'est Rodney King qui parle après 3 jours d'émeute à Los Angeles en avril 1992, visiblement ému, authentiquement ému, presque dépassé par cette situation de violence. Caroline Roland-Diamond, la violence est là. Il faut réussir à trouver une sortie. En l'occurrence, là, c'est un discours qui passe par Rodney King d'apaisement. Et là aussi, c'est quelque chose que l'on peut trouver à chaque moment de violence urbaine, d'explosion de colère. C'est trouver une porte de sortie. Elle est souvent violente de la part des autorités qui envoient les policiers avec leur matraque, leur bâton. Mais il y a d'autres voies de sortie. Comment ça se passe, en fait, pour les émeutes de 1992? Mais écoutez, le discours l'intervention de Rodney King qu'on vient d'entendre à l'antenne disait plusieurs choses. Donc effectivement, on sent son émotion très forte et bien des années plus tard, il continuera de dire qu'il a été extrêmement choqué, perturbé de manière très durable par les événements, en sentant le poids de la culpabilité vis-à-vis du nombre de morts. Donc, et là, on sent bien. Donc, on est au cœur de ces violences, et il est choqué. Il exprime son émotion, et il en appelle, à penser aux personnes âgées, aux enfants. Bon, ce qui semble un peu forcé le trait. Mais et puis il dit aussi, il faut l'entendre. Il dit, ça ne changera rien. Et ça me semble un message tout à fait intéressant de dire. Arrêtons les violences, car ça ne changera rien au problème. Essayant de retourner l'attention sur les problèmes structurels. Et de fait, les violences se sont terminées suite à l'intervention des forces de l'ordre, un déploiement de forces de l'ordre tout à fait considérable, puisqu'il a mobilisé un nombre incalculable de forces de l'ordre, à la fois l'armée, la garde nationale, les forces de police locales et de l'État de Californie. Et c'est seulement à ce prix que le calme est revenu dans les rues. Donc, effectivement, il y a eu intervention et, confirmant en quelque sorte ce qu'il prédisait, si on regarde le temps long jusqu'à aujourd'hui, ça ne changera rien. On peut dire que rien n'a changé. Il essaie dans son intervention d'attirer l'attention sur les problèmes structurels. Pourquoi, finalement, il y a eu cette injustice contre lui? Donc, il y a un problème de fond qui est le problème de la relation entre la police et la communauté noire, qui est un problème qui s'inscrit dans une histoire très longue qui remonte à l'esclavage et qui évidemment se déploie de manière différente aujourd'hui, mais qui s'inscrit dans ce temps long, et puis à des problèmes liés aux structures urbaines, en particulier le problème de la ségrégation urbaine, et là on est en 92 au moment de ces événements, et on est au terme de 12 années de politique républicaine, de destruction des programmes sociaux, de coupes très massives dans toutes les dépenses sociales, qui se sont et de stigmatisation forte de la commune des populations noire des entre guillemets ghettos qui se ressent. Et donc là on est à une situation historique particulière, mais qui fait sens, tristement sens, dans ce temps long et qui ne va faire que continuer encore jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, pour comprendre ces émeutes, le regard en prenant de la hauteur sur le temps long de l'historienne, de l'historien, est absolument essentiel, parce que ce n'est pas parce qu'un policier va taper un automobiliste que les gens vont sortir dans la rue pour manifester leur colère. Et ça arrive à plein de moments. Il y a un contexte, et ce contexte qui est absolument essentiel à comprendre. Caroline Roland-Diamond, vous le dites bien, ces inégalités sur une décennie, quoi, la décennie Reagan, expliquent la colère. Cette multiplication d'inégalités, en fait, nous sommes à un moment très particulier en 1992, à la fois politique, il y a une campagne électorale, et puis la ville est déstructurée, en fait. C'est un monde qui est en train de changer. Ça explique aussi pourquoi il y a une colère chez les communautés. Il n'y a pas simplement que chez les Noirs. Absolument. La ville de Los Angeles est en train de changer, comme de nombreuses villes américaines à cette époque. Mais la ville de Los Angeles, donc, c'était une mosaïque, hein, de communautés. Et donc, dans ces événements de violence de 1992, on a souvent, et c'était le traitement médiatique qui a été retenu, on a souvent opposé, enfin, mis en exergue un conflit entre la population africaine-américaine et les Américains d'origine coréenne présents dans la ville, qui se sont installés dans la ville et qui se sont spécialisés dans le commerce de proximité. Et les analyses de la situation à Los Angeles ont montré qu'il y avait de fortes tensions entre ces deux populations. Mais vous l'avez bien rappelé, pour des questions de ressenti d'injustice par la communauté africaine-américaine vis-à-vis de prix qu'ils jugeaient parfois exorbitants dans certains magasins, etc. Donc de tensions entre Noirs et Coréens-Américains. Mais en même temps, l'histoire des violences urbaines de 92 de Los Angeles est plus complexe que ça. Et cette opposition, ces tensions, même si elles étaient, si elles sont avérées, n'explique pas toute l'histoire. Et on voit bien d'ailleurs parmi les gens qui sont descendus dans la rue, qui ont participé aux destructions, aux violences, il n'y avait pas que les Africains américains, vous venez de le rappeler. Il y avait aussi une forte population hispanique. Il y avait aussi des blancs qui ont participé. Il n'y avait pas, alors que souvent dans ce type de violences urbaines, les participants sont quasiment exclusivement des hommes, pas uniquement, mais la plupart du temps. Là, il y avait aussi des femmes, même parfois des enfants, et toutes les personnes descendues dans la rue étaient loin d'être sans emploi. Donc on a une colère qui est plurielle, de gens qui se sont tous reconnus dans cette explosion de rage qui a eu lieu autour de la question de la police et de Rodney King, mais qui, au-delà, exprimer une rage vis-à-vis de politiques de relégation sociale, d'inégalités durables, de problèmes plus généraux de relations avec des forces de police qui, à leur sens, a perdu son sens et qui s'est exprimé dans les rues de Los Angeles en 92. Et puis, il y a d'autres événements. Quand nous regardons les émeutes de 1992, si nous voulons les simplifier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Rodney King s'est fait taper, les policiers ont été acquittés, et cela a produit des violences. Mais non, avec vous, Caroline Roland-Diamond, nous pouvons développer l'ensemble en voyant ces inégalités, cette perte de place dans la société, d'identité, dans un monde qui est en pleine mutation, en plein fractionnement. Et puis, il y a d'autres moments, il y a des éléments précédents qui ont conduit à ces émeutes, René King n'est pas le seul à être victime. Quelques mois auparavant, une jeune femme, Latasha Arlings, avait été tuée. Elle avait été tuée, alors elle l'allait acheter, c'est une jeune noire, un jus d'orange dans une boutique tenue par des Coréens, et elle a été accusée d'avoir volé ce jus d'orange. Nous allons écouter un extrait du film Kings de Deniz Gamze Erguvan en 2017, où nous allons entendre l'extrait du flash de l'information qui annonce, écoutez bien, il y a une caméra de sécurité, il y a un jus d'orange, orange juice, et une balle derrière la tête, back of the head. Cette gamine a été tuée pour un jus d'orange. The security camera caught the dispute. Store owner Soon Ja Do thought 15-year-old Latasha Harlins was going to steal some orange juice. Do produced a handgun and shot Harlins in the back of the head. A jury convicted Do of voluntary manslaughter. A pre-sentence report recommended the maximum, 16 years. But Judge Joyce Carlin imposed probation, a $500 fine. No jail time. She got away with murder. How can you have peace when this is going on? Réveille-toi, Los Angeles, wake up, Los Angeles. Dans ce film Kings de Deniz Gamze Erguvan est évoqué cette affaire, ce fait divers en fait, où Latasha Arlings, une jeune noire, est tuée par une commerçante coréenne. Mais ce qui pose problème là encore, ce n'est pas tellement l'acte lui-même qui est un fait divers et qui est horrible et scandaleux, c'est la décision de la justice qui fait que cette dame, cette commerçante, n'est pas condamné à une lourde peine, c'est $500 d'amende, ce qui est absolument rien, alors que la jeune femme, en plus, allait payer son jus d'orange. Caroline Roland-Diamond, dans toutes ces histoires, que ce soit le fait divers que l'on vient d'évoquer ou celui de Rodney King, nous parlons souvent de la police. Mais là, ce n'est pas la police qui pose problème, c'est l'institution, c'est la justice. Et nous sentons qu'il y a un problème vraiment structurel aux États-Unis pour l'identité de la population noire, cette reconnaissance, en fait, tout simplement. Effectivement, dans ce fait divers de la mort de Latasha Harlins, ce qui ressort, c'est que la vie de cette jeune fille ne comptait pas. Et c'est le mot d'ordre qu'on entend aujourd'hui, de Black Lives Matter. Cette vie ne compte pas parce que le système judiciaire a jugé contre la vie du procureur de condamner la commerçante coréenne à une peine de prison, précisément pas une peine de prison, mais à une peine d'amende tout à fait dérisoire, une amende, et voilà, et il y avait une petite peine de avec sursis qui s'accompagnait, mais c'est cette idée de grande injustice dans le système judiciaire. Mais il faut voir dans un même ensemble l'institution de la police et l'institution judiciaire, car ces deux institutions travaillent main dans la main. Pendant les années Reagan en particulier, et encore plus juste après d'ailleurs, peut-être on y arrivera dans un petit moment dans l'émission, juste après ces violences de Los Angeles, en 94, une loi très sévère de lutte contre la criminalité a été adoptée par un congrès dominé par des républicains très conservateurs, qui va durcir toutes les peines, et en particulier, on verra, d'une logique assez discriminatoire. Mais donc on s'inscrit dans un temps long, et ce sont pendant les années Reagan qu'on a assisté à ce que les historiens appellent la montée en puissance de l'incarcération massive, dans le contexte de la guerre contre la drogue, lancée par l'administration Reagan, accentuée par l'administration Reagan. La guerre contre la drogue a été initialement lancée par le président Nixon, mais elle a été transformée et amplifiée par Reagan quand il arrive au pouvoir, donc au début des années 80. Sous Nixon, toute personne qui consommait de la drogue était vue comme une personne malade. Et donc le problème relevait de la santé publique. À partir des années Reagan, toute personne prise en possession de drogue est considérée comme un délinquant méritant la prison. Ce changement de regard a abouti, donc en collaboration avec évidemment des forces de police qui interviennent sur le terrain pour finalement arrêter des gens qui sont en possession parfois d'une quantité infime de drogue, et pour les condamner à de lourdes pertes de prison. Donc on a une collaboration très étroite entre des forces de police qui mènent une action très répressive et discriminatoire sur le terrain, et un système judiciaire qui accompagne ces discriminations en appliquant des peines très souvent beaucoup plus sévères pour les Africains-Américains ou pour les Hispaniques par rapport aux peines qui peuvent être données aux à des accusés blancs, par exemple. Oui, sur ces moments d'explosion de colère, de violence, avec un événement déclencheur, avec des manifestations, des destructions dans la rue, et puis après un apaisement, nous sentons que nous touchons là un système entier où la justice, la police, évidemment, sont liées, et où le monde politique aussi l'est. Il y a le discours politique. Justice et police répondent aussi à une volonté politique. Quelles sont les réactions politiques aux émeutes de 1992? Alors, ces émeutes de Los Angeles ont mobilisé, vous l'avez rappelé, Caroline Roland-Diamond, énormément de forces de l'ordre, l'armée, la garde nationale. Quelles sont les réactions? Condamnation ou volonté de changement après les émeutes? Alors, donc Bill Clinton, qui est en campagne pour le Parti démocrate, lui, immédiatement, affirme que la violence vient des conditions socio-économiques et de ce phénomène de relégation sociale et d'abandon et pour lui la violence et donc c'est évidemment c'est le jeu politicien qui parle, la violence est la conséquence des politiques menées par les administrations Reagan puis Bush, sachant que Bush est en campagne pour sa réélection. Donc il dit tout de suite, il se prononce immédiatement de cette manière, tout en disant évidemment que on ne peut pas se venger du verdict qui a été de l'acquittement des policiers suite au passage à tabac de Rodney King par des comportements sauvages, il dit, par il parle de vandales, et donc il a un discours très critique, qui dénonce très fortement les violences et en leur en refusant de considérer que les personnes qui descendent dans la rue seraient une voie légitime. Enlève toute légitimité à leur récrimination. C'est ce qu'on attend aussi d'un homme politique. C'est vrai qu'il ne peut pas cautionner des émeutes, mais Clinton prend en compte l'aspect des inégalités comme source de ces explosions de colère. Et de l'autre côté, du côté républicain. Alors du côté républicain, il y a quand même une grande gêne, bien entendu. Et pour le président donc Bush, qui est en place et qui brigue sa propre succession, lui, il dénonce des comportements uniquement criminels. Oui, pour lui, la violence est entièrement criminelle et il n'y a donc qu'une seule réponse à apporter, à savoir un déploiement des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre. Pour rétablir l'ordre. Et toutes ces personnes. À Los Angeles, en 1992, dans le cours de l'histoire sur France Culture, l'interminable combat pour l'égalité aux États-Unis, avec un focus aujourd'hui sur les émeutes de Los Angeles en 1992, avec vous, Caroline Roland-Diamond, et un jeu sans cesse sur le temps court, très court, du moment de l'événement de l'émeute, et sans cesse un regard sur le temps long, celui de cette succession de moments de violence dans la lutte pour l'égalité. Je vous propose d'écouter une chanson de 1992 et pas n'importe laquelle, puisque c'est Dr. Dre qui chante The Days Niggas Took Over. I'm gonna say this and I'm gonna end mine. If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans step in and start putting some foot in that ass. My AK and That's what they told us today. In other words, you're still a slave. No matter how much money you got, you still ain't shit. Sitting in my living room, calm and collective, feeling that gotta get my perspective. 'Cause what I just heard broke me in half, and half the niggas I know, plus the niggas on the road spelling laugh. The Death Niggas Took Over chante le Dr. Dre, qui évoque les émeutes à Los Angeles en 1992 en utilisant des sons d'archives, on l'a entendu, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux émeutes de Los Angeles de 1992, ces explosions de violence. Caroline Roland-Diamond, vous avez écrit Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice 19e-21e siècle, c'est aux éditions La Découverte, et vous étudiez, vous avez croisé énormément d'explosions de colère, de moments de violence pour exprimer là où il y a une rupture, là où il y a une autre action possible que simplement la lutte par la prise de parole pour aller vers plus d'égalité. Est-ce que vous voyez des similitudes entre tous ces moments de violence, ou est-ce qu'il y en a qui se distinguent vraiment particulièrement? Il y a des similitudes entre tous ces moments de violence. Alors évidemment, ce qui rapproche certains, c'est l'ampleur. L'ampleur, on peut évidemment rapprocher les événements de 92 des rébellions urbaines de 67, en particulier par exemple à Détroit. qui était aussi causé par une intervention policière, hein, au départ, donc une action de répression policière qui a entraîné une explosion de colère et qui s'est soldée à la fin par un bilan très lourd avec 43 morts et aussi des milliers d'arrestations et des destructions très massives, et les révoltes urbaines qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King en 68. Donc on peut comparer ces événements. En fait, ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est d'amener à réfléchir, quand on comprend le temps long et qu'on comprend la persistance des causes derrière ces explosions de colère, c'est de réfléchir à la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'explosion urbaine entre la fin des années 60 et 92. Alors il y en a bien eu, hein, dans les années 80, un petit peu à Miami, etc. Mais c'était pas de la même ampleur. Donc ce qui est particulièrement intéressant, c'est de savoir finalement pourquoi il n'y en a pas eu. Alors pourquoi il n'y en a pas eu ? Alors il y a plusieurs éléments, mais c'est tout à fait qui nous ramène à Los Angeles. Certains, donc les chercheurs qui ont travaillé sur ces questions pour réfléchir sur cette absence d'explosion urbaine, alors que les causes de ségrégation résidentielle, ségrégation urbaine très forte, de relégation de certains quartiers, de chômage très fort, de conditions d'école, de conditions d'éducation inférieures dans les quartiers plus pauvres, et de relations très problématiques, pour ne pas dire pire, entre la police et la communauté noire. Toutes ces causes restent les mêmes. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il n'y en a pas avant 92? Donc on a des transformations urbaines. Les villes se transforment. Les villes se transforment avec l'arrivée de nouvelles populations qui viennent transformer la composition démographique des villes, la composition de certains quartiers. Donc ça, c'est un premier facteur. On a aussi, donc, dans cette transformation des villes, on a toujours un développement qui se poursuit, hein, jusqu'à aujourd'hui. Des banlieues américaines qui transforment encore la démographie des villes en accentuant le départ des populations plus favorisées en banlieue. Et on a surtout un facteur très important qui est celui de la militarisation de la police, qui se produit à nouveau, on en revient toujours là, à partir des années 1980, et qui fait que les forces de police aux États-Unis aujourd'hui, mais déjà en 1992, utilisent à la fois un équipement qui vient directement du secteur de la défense, de l'armée, un équipement, mais également des manières d'agir, de maintenir l'ordre. Et donc il est beaucoup plus coûteux, d'un certain côté, de... toute explosion de violence peut entraîner un coût humain encore plus fort dans un contexte où la police est non seulement militarisée, mais a développé des habitudes de contrôle urbain, vraiment importé de cette logique militaire. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder en mémoire pour expliquer, en fait, l'absence de d'éruption de colère. En fait, il est aussi intéressant de voir que souvent les éruptions de colère se produisent dans un contexte qui n'est pas un contexte entièrement désespéré. Dans la fin des années 60, on avait encore, c'était une période certes très tendue, avec de très fortes inégalités et des explosions de colère très régulières, mais précisément, il y avait encore le sentiment à la fin des années 60 que le changement était possible. Et là, il n'est pas anodin de voir que cette explosion de colère de 92 se produit pendant la campagne électorale. Oui, c'est-à-dire que... À un moment où il y a un espoir de changement. L'espoir de changement, c'est essentiel. On le sent bien, Caroline Roland-Diamond, vous avez raison d'insister là-dessus. Mais alors, il y a ce paradoxe où l'on pourrait penser que l'espoir de changement apaise la situation, parce que il y a un espoir. Alors que vous nous dites que non, ce n'est pas tant l'espoir qui va éviter qu'il y ait une explosion de violence. Eh bien, effectivement, vous avez raison de pointer du doigt ce paradoxe. Il est, à mon sens, il est très important d'y réfléchir, parce que l'espoir est là, il est possible, il y a un sentiment on a peut-être ici, aujourd'hui, une opportunité de faire basculer, de faire prendre conscience de la gravité des problèmes. Mais effectivement, la manifestation de cet espoir, se traduit finalement par, non pas par des moyens traditionnels, des canaux habituels de négociation, de revendication, de pétition pacifique, mais par la violence. Et donc là, on se dit que c'est la violence exprime un désespoir et qui vient contredire l'espoir. Mais en même temps, il faut voir que les populations sont diverses et tout le monde ne ressent pas la situation de la même manière, ni n'envisage des voies d'action similaires. Il faut toujours prendre en compte cette très très très forte diversité. On a un peu tendance à vouloir calquer parfois une sorte de... On se dit, bon bah si la situation est favorable à un changement... Eh bien, c'est simple, il suffit de faire entendre ces revendications par des canaux habituels, les autorités publiques vont l'entendre et agiront en conséquence. Or, on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué, que tout le monde ne partage pas la même analyse, ne partage pas la même impatience ou lassitude vis-à-vis d'une situation qui s'éternise dans les inégalités et ne réagit pas de la même manière. Et puis il y a un phénomène générationnel aussi, c'est-à-dire que nous voyons quand nous regardons le passé des gens qui agissent, mais ce ne sont jamais les mêmes gens. C'est-à-dire que ceux qui avaient de l'espoir dans les années 1960 ne sont pas ceux qui manifestent en 1992. Ce sont leurs enfants ou leurs petits-enfants, et ceux qui ont entendu en 1963 Martin Luther King évoquer cet espoir, ce rêve, ce rêve porteur d'espoir, ce ne sont plus les mêmes que ceux qui connaissent de nouvelles colères dans les années 1990. Je vous propose, juste pour ce plaisir porteur, d'écouter Martin Luther King, I Have a Dream, le discours du 28 août 1963, avec la voix française d'Olivier Martineau. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? Il y a des gens qui demandent aux militants des droits civiques: quand serez-vous enfin satisfait? Nous ne serons jamais satisfaits, aussi longtemps que le noir sera la victime d'indicibles horreurs de la brutalité policière. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que nos corps, lourds de la fatigue des voyages, ne trouveront pas un abri dans les motels des grandes routes ou les hôtels des villes. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. D'aucuns sortent à peine d'étroites cellules de prison. D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. Continuez à travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera rédemptrice. I Have a Dream, Martin Luther King en 1963. Caroline Roland-Diamond, vous avez étudié la situation des Noirs aux États-Unis sur ce temps très long du 19e au 21e siècle avec un regard particulier sur les moments de violence. Qui fait de la violence? Qui exprime sa colère? Bien souvent, ce sont les plus jeunes. Ce n'est pas quand on a 90 ans qu'on sort dans la rue, quoique ça peut arriver et ça arrive encore. Quand on est installé, une famille, des enfants, c'est plus difficile que quand on est jeune. Il y a l'effet générationnel qui peut expliquer aussi ce retour régulier de ces moments de colère, de ces explosions de colère, parce que les choses ne changent pas. Et donc, chaque génération est confrontée de nouveau à quelque chose qui perdure, qui est sinistre. Ce sont ces inégalités quasi institutionnelles. Mais tout à fait, il est tout à fait intéressant que vous ayez choisi d'illustrer musicalement l'émission en choisissant donc ce morceau de Dr. Dre. Dr. Dre, il est né en 65. Et il est né en 65 à Compton. Donc au sud de Los Angeles. Et donc quand il est donc 65 était un moment donc d'explosion urbaine à Los Angeles dans le quartier de Watts. Et donc lui là en 92, il a donc 27 ans et il ressent très fortement ces questions d'inégalité. Donc lui, il manifeste sa colère par son art. Mais effectivement les explosions de violence dans les rues des villes sont le fait très très majoritairement de la jeunesse, des jeunes qui manifestent une certaine impatience, qui n'ont pas la même relation n'envisagent pas le risque de la même manière que parfois donc en l'occurrence des Américains plus âgés, mais on peut généraliser le propos bien entendu. Et donc on a toujours cette impatience, cette colère qui s'exprime de manière plus brutale, plus frontale chez des jeunes. Mais à nouveau, s'il y a aussi beaucoup plus de jeunes hommes que de jeunes femmes dans les rues, ils ne sont pas exclusivement des hommes. Donc ça, c'est aussi important de voir. Et en 92, à Los Angeles, on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait donc non seulement pas que des jeunes, mais il n'y avait aussi donc pas que des noirs, et il y avait donc cette colère était multiple et touchait tout le monde. Mais il est clair que le cœur de la colère est celui de la communauté africaine-américaine. Et là, il était aussi intéressant de rappeler cet extrait du discours de King de 63, qui est un extrait qui montre bien que King entendait parfaitement ce désespoir, cette colère et cette rage de mobilisation. Et l'extrait que vous avez choisi permet de montrer que Martin Luther King n'est pas cette personne aussi modérée que la mémoire collective a voulu construire. C'était quelqu'un de très radical dans ses positions, qui certes ne soutenait pas les explosions de violence comme voie privilégiée d'action, mais qui entendait la colère également et qui tout au long de sa vie s'est mobilisé contre les causes structurelles des injustices, à la fois donc évidemment touchant la communauté africaine-américaine, injustice sociale, injustice économique, injustice dans les relations avec la police en particulier. Oui, c'est ça qui est très intéressant avec cette figure de Martin Luther King. Le cours de l'histoire, nous avons consacré une émission sur ces pans oubliés de l'héritage de Martin Luther King, donc à retrouver sur le site internet franceculture.fr. C'est que Martin Luther King a été adouci. Toute sa radicalité a été effacée pour en faire un personnage compréhensible par tous, voire récupéré en partie. Caroline Roland-Diamond, est-ce que c'est la même chose pour les émeutes? Les émeutes, en fait, telles qu'elles peuvent être présentées par les autorités, sont réduites à ce déclenchement lié à un événement, le moment lui-même de l'explosion de colère, et puis la chose est réglée. Et il ne faut pas, en fait, que l'émeute soit symptomatique de problèmes structurels. L'émeute doit rester dans un moment très fermé. L'explosion de colère, c'est un début, un milieu et une fin, parce que sinon, il faudrait régler les causes de la colère. Vous avez entièrement raison, et c'est d'où l'intérêt d'appeler ces événements des émeutes. Parce que quand on dit ça, on a effectivement un déroulé qui se reproduit, qui est simple, que l'on comprend. Il y a une cause, une explosion de violence et une intervention de la police qui est présentée comme entièrement justifiée, puisqu'il faut bien mettre fin à la violence, qui est présentée comme excessive par rapport à la cause de départ, même si on peut comprendre l'émotion liée à la cause de départ. Et donc, présenter les événements en ces termes permet d'éviter se pencher sur les causes profondes des problèmes, les causes structurelles qui persistent aujourd'hui. Effectivement, on a ce problème de racisme institutionnel. Donc là, si on se concentre uniquement sur les forces de police, mais le racisme institutionnel touche plus que la police, et il faut, il est urgent, plus qu'urgent, en 2020, d'avoir la volonté politique de s'attaquer aux causes structurelles. Mais là, effectivement, vu la situation politique actuelle aux États-Unis et les personnalités au pouvoir au niveau fédéral aux États-Unis, nous n'avons pas cette volonté politique de s'attaquer aux causes profondes des inégalités. Et donc, on a à nouveau une présentation qui réduit toute explosion de colère à une simple émeute. Voilà, c'est quelque chose en plus que vous nous expliquez, Caroline Roland-Diamond, et qui est valable à l'international, parce que ces échos de colère que nous retrouvons chez nous en France participent du même principe. Hein. Le mouvement de colère est quelque chose de court, de réduit, et on passe à autre chose, alors que les problèmes structurels sont toujours très présents. Je rappelle le titre de votre livre, Caroline Roland-Diamond, Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice, 19e, 21e siècle. C'est aux éditions La Découverte. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault. Une émission à réécouter en ligne sur le site internet, le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Demain, nous nous intéressons au Coran, la fabrique d'un livre. Et oui, qui a écrit le Coran ?